Ok. 2007, je viens faire l'autopsie de ce rap de pauvre qu'il faut enterrer. À force, les bâtards du front vont nous repérer. Trop de vantardistes dans ce move de merde. Trop peu d'avant-gardistes. Normal, vu que dans ce visite four, par où tu pousses tes merdes. Je me remets né, toujours sur les nerfs, moi. Je t'en fais le monde après un verre de clan. Des philosophes, y'en a tellement. Vision maussade d'un avenir cendré. Mais rentrez donc, si vous êtes prêts à vous vautrer, mais rampez donc. Ici, c'est 9-3 des infatigables petits ou t'es larcin. Sont fréquemment stoppés de manière matinale. Ça va si t'es cantinable et tu causes en euros. Sinon, c'est les briquets, les pâtes au gaz. Tu feras pas le héros, marmot. Fais pas le mariole, détends-toi, t'es un ouf de croire chez toi. Ici c'est la France à Marcel Pagnol. Tu rêves d'une belle bagnole, alors qu'ils s'enrichissent sur des trafics d'armes qui dessinent notre Afrique. Mais eux qui les condamnent, ceux qui voudraient que tu fasses tes valises, ceux qui ont tout fait pour qu'on nous paralyse. Je vous emmerde, bande de scélérats, y'a personne d'invulnérable. Et crois-moi qu'un jour on vous aura déterminé pour un VMA vocal. Faut s'en sortir, alors on largue la cocaïne. Banania fait du chemin depuis son évasion du tarmac. Alors il attend patiemment son tour. Hey marmot, fais pas le mariole, t'as les nerfs. Avant tu sais lequel des crous démonte ton hexagone. Et ouais, tandem, t'es prêt pour les matos, mais ouais. Hey marmot, fais pas le mariole, t'as les nerfs. Avoue que tu sais lequel des crous démonte ton hexagone. Et ouais, nous on emmerde Sarko, et ouais. GGGGG, un inexplicable penchant pour tout ce qui est travail de groupe dans le sport en chambre, truc de PDG. Les grosses cochonnes pleines d'argent, femmes de policiers. Celles qui tiennent pas par la jambe, celles qui te sécusent sans la tête de chambre. Nous au fond, on n'est pas difficile, tu vois. On est tous sauf divisibles, viens nous rendre une petite visite, quoi. On est avertis, et ça devient de plus en plus subversif de nous divertir, v'là ce qui nous rend dépressifs, Renoir. Depuis 2002, on crache des missiles auditifs. Une colère positive, sans expédition punitive. Mon rap va droit au but dans ton cinéma. Il s'en tape ton karma, il veut se faire un bif sans faire de cash bras. Engagé, ouais mais il sait partager ce qu'il a même pas. Il est prêt à se mettre un pruneau et tu le vois même pas. Il est l'exemple même de la naïveté qui remplit nos cimetières dans ma putain de réalité. Hey marmot, fais pas le mariole, t'as les nerfs. Avant tu sais lequel des crous démonte ton hexagone. Et ouais, t'es prêt pour les matos, mais ouais. Hey marmot, fais pas le mariole, t'as les nerfs. Avoue que tu sais lequel des crous démonte ton hexagone. Et ouais, nous on emmerde Sarko, et ouais.